M'en fous. M'en fous à mort. Pas branlé. Ah ouais. Si si, la famille, c'est ridicule. On s'en branle. Allez, parti. Yeah, je m'en fous complètement. Si tu ne kiffes pas, garde tes compliments. V'là le son qui ment, ardé au piment. Je suis seul, tant mieux, pas besoin de compléments. Je me suffis à moi-même, pas de problème. Ceux qui ne m'aiment pas, je les emmerde. Viens, je t'emmène voir un truc énorme. C'est à se demander où sont les normes. Démesurer un peu comme tes formes, biatch. Connais tes poses, à donner des courts pliages. Tu connais tout le village, donc j'envoie toutes mes troupes pour le pillage. J'avance et t'es dans mon sillage. Tu veux que je vienne débroussailler le grillage? Ok, je parle que de son, je parle que de sexe et je m'en bats les coquillages. Je m'en branle tout à fait. Tu peux pas te reposer si t'as pas taffé. Tu peux pas t'effacer quand tu viens de café. Tu peux pas mettre de vodka dans ton café. Non mais, je dis vraiment de la merde, je devrais pas rapper. Je peux prendre ton 06 mais je vais pas te rappeler. Si je fais autant de morceaux, c'est qu'ils sont bâclés. Mais aussi parce que je fais ce qui me plaît. Au final, je sais pas ce qui m'importe. Être avec une femme ou avec mes potes. Les deux, j'espère qu'en haut j'aurai aussi la cote. Je crois pas en Dieu, mais j'écoute l'ancienne église. Je mets pas de capote. Je m'en bats la race d'à peu près tout, tant pis. À part ta chatte, si elle a le goût de champi. Je suis bête et méchant pour absorber les coups. J'ai la tête sur les épaules et mon cerveau dans les couilles. Je m'en fous royalement, comme celui qui mélange sky et calmant. Comme on peut se foutre du passé franco-allemand. Comme on se fout des filles faciles et charmantes. C'est débile comme les plans cul. Débile comme les racistes anti-blancs nus. Comme être avec une femme que t'aimes pas tellement. Comme ta femme que tu crois même quand elle ment. Et ouais, go, je pars là où je veux. Au pays des chauves où on se moque des gens qui ont des cheveux. Au pays des pauvres où on se moque du millième de tes soucis. Où on se moque de Louis et Gucci. Je m'en foutrais toute ma vie. Ça te fait une belle jambe et j'en suis ravi. C'est l'échelle de la connerie que j'ai gravi. Je suis perso et ce qui compte c'est mon avis. Voilà. C'est pour ça que j'en ai absolument rien à branler. De tout. Mais carrément de tout. C'est la folie. C'est Sissi, la famille. Enculé.